place de la jeunesse africaine. André Kimbuta, patron au Fawé. Big Ever, Claude Dinanga. Colipina Nagota. Bona bona tena London King Service Express Jean-Marie Molato. Eh, Yula Yula Bonse, le monument, le chansard mon gros. Oh yeah. Papa Edo Nebika la bin pecha kweto Bantu bonso mali akula. Hey, luangu mbigile. Hey, luangu mbigila. Luangu mbigila ebo anye. Japonais Deya polyvalent. Chiku tangila Mwamukaji wasione Tuande tumona Wana kutoto. Hey, yo, tuande tumona. Jean-Marie Kofo. Ayi, woi, wololo na shaba. Neme, chena ndagale na shabambe ni chena ndagale yo yo yo yo. Agile parfois moi pas le grand maître de Paris. Banda Tonto Jacques na London. Yato Satungoro Makutuka Lutango Tuko Chokola Ntokola Makaka Batera Tara Marero Shibida Bibi Shenata Nata Yani Kuntelele. Eh, soliste de l'univers Flam Kampaya. Ha ha. Yeah. Petit frère Solo la bien. Ah, petit nangai. Oka solo la bien. Awana Katia Samba. Yo, Legi Mama Mutolo. Ha ha. Zembela Atake Bangoli Alegi Lumu. Tonya, Tonya, Tonya. matadi. Papa Roger, Yassine. Chipe Pongo, y'a la mer à palais. La noisie est sec. Ouais, t'as tout le temps, vous n'y vous venez là. Nous, t'as bien chéri. Oh, de génération. Tigi tigi tigi tigi toi. Lubika munu nwanga kaskol. Edon Zoloko Antoine Massas Tindika Lokito di. Lizongo ligundu lizongo ligundu limega. Yo yo yo yo yo. Tika bile abili sango koyo. Yo yo yo yo yo. Bakwenda bapezi basangani na mulo. Yo yo yo yo. Zoki lo kangi zuki kokani zabile. Matrice Colombo, Alicambo, Massacho, Panda. Atindikalo kito, atindikalo kito, atindikalo kito, minyango, score, la ville, Eric Dala, Richard Kabala, Ila Tchouba, Kason Dorné, Keba, Kidi Kinoani, Papa Brian. yonde nde nani wana ngai roi David allez chama moko tremi. Yeah, yeah, yeah. Marquis, l'ingénieur de son, Hugues Ouba, Papi Jonias, l'enfant chéri. Ya ba ya ya ni ba ya ba sala ni tu sa. Ali Kawanga. Dipoule mon cher ya maman Adèle. Maman Angèle Mwambo, première ministre de Samuel Eka. DG Landry Gantier. Chabani Record, Chadilé, capitaine Moukis, commandant en quoi Alpha, Charles Moudiaï. Je sais s'entend. Toujours Japon. Basulu na bandala. Marome na bichingo bila. Le capitaine Ambara de Sento. Le monde est à nous. Mabele. Tukin Kokowaya. JPS Jean Versa. National. Chiba Chiba Sutar Mage Shiro Chamala Bienvenue sur les Alligator. Takiba forme mais c'est Kazamoto Jujundomba Piro le Blink. Allez, presse mon kéma. Santalba, pour signer les moyens. Pour faire qu'il quitte la piste chadi. Tornado. Les oreilles chambo. Allez, la mêlée. Ministre Toyota, Majaki et Foué. Balobatro, Basila. Steve Mousse, les grands Suédois. Jean-Marc, de la vallée. Sonnant comme les Camerounais, Godard Motemona. Patrick Siama, Colonel Kassongo, Professeur Kurosaka, Alain Kelo, restaurant l'ambassade Freddy Poudou. Natazonda, on met la telle, c'est si simple, Franck et Carte Bleue. Ali Jabir, Eric Mbwene Mobali, Fiki mon père ou un mystérieux Ferdinand Fengo. Sala Eric Lucas, Jimba Vomwambo. DJ Franka, Betara Messika, Wera Pau. Flopi Mwana Putwe. Oya Sobu Dengiama. Minosa di Kwanza. Eta Kwalima Kwanza Mulawa. Anye wa Mokusa. Kusuduka. Kwanza Mulawa. Yeke wa Mokusa. Ayishi Mwewa. Semba Mulawa. Yeke wa Mokusa. Emela Simutu. Pego. Yeke wa Mokusa. Malekse. Yenele Jamala. Gasaka Mable. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. parrayon. Chantal, Yeah. Vamos, vamos. masqué chez Doudou Kit, na motel Kit, oh bien na Malipense, oh belle Melo, Julienne qui s'aime. King Tapeli Bonjenga Kole la yonde laka Yabasito yelengi Kole la yonde laka Yabasito lelengi Kole la yonde laka Yabasito yelengi Siye, touche Simanga nukubila mbake Kole la yonde laka Yabasito yelengi Kedi itayo maya mosindo Yabasito yelengi Honore Mosengo Alfa Songi na mau Saloma Idobe Touché Simanga na gobele Touché Nangelo Fombo Sawa Pie Kole la yonde laka Yabasito yelengi Che Guevara Lievenganche Yabasito yelengi Petit Sakou Kusolo la Brice Moba Allez. bao mokonzi asala na bino asala pe na yo sango elamu lokola santu mata yo ako on ouvrira à celui qui frappe. Banabuba, waka wololo wololo na ye. Un, bossi, deux, zone, trois, quatre, allez attaquer. Ya, côté malé, bandi passion, inaka côté malé, bandi passion, inaka côté malé malé, bandi passion, un côté malé malé. Yo mama, ina malembe mama. Allez lo venga y siga y busca y ata y lo la siga ata busca. Amo, ataque. Ya, cote male, male. Bandi pasio, ina ka cote male, male. Bandi pasio, ina ka cote male, male. Bandi pasi mama, pasio yo. Allez l'ovenga ici bangai balolanga ni atangai pousa pousa ni atapousa koni atate zela zela papa de fe abenti na note babeti bakomi na bango bi banga bango rusu changi chongele mama o bela mama so beta beta Centre-ville.